Il est 13h30, voici Histoire vivante. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. On dit que le public ne vient plus dans les salles de cinéma, ne vient plus débattre. Ben dans ce cas-là, il faut aller vers eux. Cette semaine, un festival. On se veut un lieu qui propose son propre programme, mais aussi un lieu qui est en mesure d'accueillir d'autres événements sur le sujet des droits de l'homme, mais aussi de répercuter d'autres événements qui ont lieu ailleurs. Préparer, accueillir et faire connaître artisans et organisateurs. Souvent, ce qu'on recherche, ce qu'on défend, ce sont des films qui ne sont pas d'emblée à, voilà, les solutions faciles. L'enthousiasme, la rêverie, l'humour parfois aussi, et puis l'envie que le monde change. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il faut faire les choses ensemble. Le Festival international du film et forum des droits humains est l'événement le plus important dédié au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Il se tient chaque année au cœur de Genève, la capitale internationale des droits humains, en parallèle avec la session principale du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Chaque année, sauf cette année. En effet, c'est par un communiqué de presse que nous avons appris la décision d'annuler l'édition 2020 pour des raisons évidentes liées au Covid-19. Je cite un extrait du communiqué de presse. Suite à la décision du Conseil fédéral d'annuler toute manifestation de plus de 1000 personnes et en concertation avec les autorités sanitaires du canton de Genève, le conseil de fondation, la direction et l'équipe du festival ont pris la décision d'annuler sa 18e édition qui devait se tenir du 6 au 15 mars 2020 dans 65 lieux de Genève et ses environs. Cette décision signifie que toutes les projections publiques du festival sont annulées. Toutefois, l'équipe est au travail pour proposer une offre qui respecte sa mission au service des droits humains en utilisant notamment les outils numériques. Rendez-vous donc sur le site du FIFDH. De notre côté, nous avons rencontré quelques personnes qui travaillent au sein du FIFDH et nous avons choisi de maintenir notre programmation, car c'est dans notre esprit soutenir l'importance de l'événement et permettre de le faire connaître à travers la parole de celles et ceux qui l'organisent. Alors, vous... Il vous reste à vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse et puis à décliner ce que vous y faites. Je suis James Berkla-Lewis et je suis coordinateur des programmes du festival. Donc je suis le seul, quelque part, employé à l'année qui traite exclusivement de la programmation. Donc ça veut dire chapeauter la programmation, c'est-à-dire la programmation est composée de plusieurs programmateurs et programmatrices qui ont leur propre section. Le documentaire, la fiction, le forum, le programme pédagogique, le programme dans les communes genevoises. Et moi, mon but, c'est d'ordonner tout ça, c'est-à-dire que leur donner un sens pour qu'ils fonctionnent ensemble, d'un point de vue de cohérence, de sens aussi, mais surtout même organisationnel, hein, simplement. James, vous travaillez là-dessus depuis combien de temps, vous? On m'a dit que vous étiez un ancien. Je suis un ancien, officiellement. Vous ne le faites pas. Je vous remercie. Ça pas fait encore. Depuis 2016, septembre 2016. Donc, ça va être ma 4e édition à ce poste-là. Mais j'ai été stagiaire à la presse il y a 6 ans. Et puis, je faisais même de la traduction entre-temps. Je faisais de la traduction de textes vers l'anglais et le français. Comment vous voyez le festival, vu que vous avez déjà... Les années comme ça derrière, évoluer. L'ampleur de la programmation qui s'agrandit énormément. De saison en saison. Ouais, absolument. Ouais. Et qui s'accompagne d'un intérêt suscité pour un certain nombre de partenaires, des gens qui organisent des choses durant la période du FIFTH parce que c'est intéressant pour eux de se dire qu'il y a un moment dans l'année où on parle vraiment des droits humains pendant 10 jours. Même si ça n'a rien à voir peut-être avec le FIFTH dans un sens de ce n'est pas organisé ou conçu par le FIFTH. Et puis qui rentre. Il y a un moment d'éclairage. C'est ça, exactement. Ouais. En plus du fait qu'il y a la session générale du Conseil des droits de l'homme. Donc en fait, on se veut un lieu qui propose son propre programme, mais aussi un lieu qui est en mesure d'accueillir, soit physiquement dans un espace qui est le nôtre, d'autres événements sur le sujet des droits de l'homme, mais aussi de répercuter d'autres événements qui ont lieu ailleurs. Comme il y en a, on le fait avec la Maison de la Créativité, qui est un partenaire intéressant, vu que ça permet, ils organisent des ateliers pour les très jeunes. jusqu'à 6 ans, dans lequel les enfants sont amenés à réfléchir à des questions un peu de justice sociale, dans un sens évidemment très vulgarisé, mais par le geste, par le travail ensemble, c'est super. Alors, vous vous occupez, James, de... Vous êtes responsable des programmes, mais comme vous nous l'avez dit, à chaque section programmatique, il y a son responsable. Mmh. Alors, est-ce que vous mettez quand même votre grain de sel en faisant des propositions et en disant, si jamais ça vous intéresse, j'ai repéré ça, et qu'on vous écoute, ou bien on vous demande simplement d'organiser l'ensemble? Non, en fait, je suis en parallèle, je fais partie des comités de sélection pour les deux section film, donc pour les documentaires et les fictions. Le forum, je le laisse plus aux spécialistes. Je sépare mon engagement personnel à celui du festival. Mais je pense que ma voix est écoutée et qu'elle a sa place et qu'elle est sollicitée quand les programmateurs et programmatrices pensent que c'est pertinent. Et je le fais avec grand plaisir. Estimez-vous avoir un sens critique affûté? Avoir le sens critique peut aller de soi, surtout si on... est porteur ou on se sent porteur d'un certain engagement, mais c'est aussi la limite et les pièges de l'engagement que de n'avoir un regard critique qui ne critique qu'une partie de la chose à critiquer et pas forcément l'ensemble. Alors, avez-vous élargi votre sens critique, James? Je pense l'avoir élargi dans le cadre de mon travail et de ici pendant 4 ans, oui, certainement. Mais il a aussi, enfin, il me permet aussi d'être. Je pense que c'est important pour être aussi critique, effectivement, avec des décisions qu'on a pu prendre, qu'on va prendre, ce genre de choses. Et je pense que j'ai l'espace de le faire et j'espère les compétences, oui. En tout cas, je pense l'avoir, oui. Alors, est-ce que toute votre vie est entièrement dédiée au festival et puis que finalement, le moindre film ou le moindre bouquin que vous achetez ou le moindre a toujours plus ou moins maille à partir avec, lien avec, on l'imagine? Ou vous vous autorisez des cases de divertissement quand même? Je m'autorise des cases de divertissement. Je viens d'un background, on va dire, de cinéma à la base pure. Donc j'ai fait des études en histoire de l'art, en histoire du cinéma. Donc à la base, je suis arrivé au festival parce que j'aime le cinéma et parce que je partage des valeurs d'engagement qui sont celles du festival, en faveur des droits humains. Maintenant, ça veut dire qu'en dehors de mon temps, je reste quand même en premier un cinéphile, et un cinéphile qui se veut spécialement peu snob aussi, donc je laisse absolument de la place pour le divertissement, et je laisse aussi une place pour une autre forme de, parce que du coup je suis aussi actif dans la politique genevoise, et du coup ça me permet de rejoindre en fait quelque part au travail, je peux rejoindre ma passion du cinéma, mon engagement civique, mais en le séparant aussi des sphères politiques genevoises qui sont ce qu'elles sont. On va s'intéresser, on va rester un temps sur la fiction. Y a-t-il déjà dans le domaine des comédies qui traiteraient de la question extrêmement vaste des droits humains suffisamment de matériel, ou bien les droits humains appellent-ils plutôt un type de narration et d'écriture, j'allais dire, attendue? Il est certain qu'il y a des carcans. Je crains que vous ne me répondiez oui. Il y a plutôt effectivement des carcans qui sont plutôt d'ordre dramatique, ça c'est sûr. Mais on a eu... Ah, on peut rire. On peut en rire. En tout cas, nous, on avait donné cet espace il y a, alors sauf erreur, 2 ans, pour le film La mort de Staline de Armando Iannucci. D'après une bande dessinée. D'après une bande dessinée, absolument, qui... certes, c'est une farce sur le décès de Staline et puis le type de lutte de pouvoir qui s'en est suivi. Mais ça laisse aussi une place à savoir ce que ces luttes un peu absurdes entre des grands hommes un peu ridicules qui se battent, de voir quelles sont les conséquences de cette lutte, de ces décisions. C'est-à-dire qu'il y a ces gens qui se battent dans les grands halls autour d'un cadavre, puis qui sait qui meurt dans les rues et qui en souffle les conséquences. Il y avait un espace aussi pour ça dans le film, même si c'était assez léger. Et à notre sens, on y avait beaucoup réfléchi, mais ça, pour nous, ça permettait de provoquer quand même une discussion de justement, est-ce qu'on peut aussi rire de ces grands hommes et ces grandes dames qui décident du sort du peuple? Alors après, la réaction était, elle a suscité la discussion. Ça a beaucoup suscité la discussion. Est-ce que ce film avait la place au FIFDH? Pour nous, oui. Après, le public, c'était un peu à lui de décider. Il était partagé. Mais pour nous, à mes yeux, c'était vraiment une expérience intéressante de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est de mesurer qu'historiquement, de Guignol à Molière, la notion de la dénonciation du pouvoir abusif ou autre est passée par les traits de la comédie, et puis à un moment, plus, Jusqu'au point où, traité par la comédie, semblerait quasiment inconvenant, alors que c'est plutôt, il y a un certain nombre de siècles, la tradition. Comment, vous qui avez fait de hautes études sur le cinéma, apprécieriez-vous, monsieur l'expert, ce renversement, cette réorientation? Est-ce que cette tendance à aller, a priori à vous entendre de manière un peu majoritaire, vers le drame, n'est pas un peu redondante? On va traiter un thème tragique en employant un ton tragique. C'est pas un peu, ton sur ton, on voit mal à distance. Je suis d'accord. Alors, moi, je pense en effet que c'est votre observation est juste. Hein. Je pense que c'est un peu ton sur ton. Il y a un vrai, pas une vague, je veux dire, mais il y a énormément de satiristes de cinéma qui font des films actuellement, donc ils font plutôt vraiment des satires, mais elles sont souvent très noires. Il y a moins cette satire qui était peut-être plus légère, plus fine. Fine, c'est peut-être le mot, mais voilà, une forme de satire populaire qui amène les choses plus en douceur et plus avec le rire, alors que les satires d'aujourd'hui sont effectivement plutôt des satires noires. Vraiment, on rit à peine, et quand on rit, c'est très jaune. On rit entre deux vomissements. Ouais, c'est un peu voilà. Ça. Ça reste un cinéma extrêmement intéressant, qui m'intéresse énormément, mais je pense qu'il est trop dur pour notre festival, en fait, quelque part. Il y aurait encore plus de résistance du public que pour un film comme La mort de Staline, qui est encore, justement, a quand même des grosses touches de légèreté, ça reste quand même beaucoup de rire, de tourner ces hommes au ridicule qui sont très pompeux, quoi. Le festival pourrait être, selon vous, puisque le festival innove dans beaucoup de catégories, à l'initiative d'une forme de nouvelles écritures qui irait dans le sens que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire de pouvoir concilier des règles, si j'ose dire, de la comédie grand public avec les thèmes tels qu'ils sont développés dans le Festival des droits humains? Ça dépend si on reste en fiction, sur la fiction ou entre le documentaire. Parce qu'effectivement, avec le documentaire, et notamment quelque chose sur lequel on travaille, c'est cette question d'impact, mais c'est plutôt secondaire. C'est-à-dire qu'on crée le film et ensuite, on cherche à savoir comment un film peut avoir ensuite un impact sur la société civile, et le politique hein, d'ailleurs. Mais ça n'affecte pas spécialement la forme de l'écriture, parce que c'est secondaire. Mais on peut imaginer que plus on va réfléchir à comment un film peut avoir un impact réel sur le monde, on va aussi réfléchir à quelle est la forme qui permet d'avoir le plus gros impact. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille dans nos journées industrielles qui s'appelle Impact Day, qui a lieu sur 2 jours pendant le festival. Mais ça, c'est pour le documentaire. Pour la fiction, pour l'instant, on est surtout les véhicules d'une fiction d'excellente qualité, d'une fiction dramatique d'excellente qualité, mais qui... où on essaye de représenter un panorama de ce qui peut se faire, mais qui est un panorama qui se joue sur un spectre relativement intriqué, comme on l'a dit. Si on voulait vraiment jouer la carte de nouvelles écritures, on rentre quand même sur un type de cinéma d'auteur, parce que ça se fait hein, entre le documentaire et la fiction. Donc notamment, malheureusement, le titre ne me revient pas, mais on a des expériences où il y a un acteur qui vient et qui joue face à des personnes migrantes et qui joue un membre des autorités administrative, on va dire, bureaucratique d'un pays où il doit expliquer à des personnes migrantes pourquoi on veut les accueillir, pourquoi on veut pas les accueillir. Puis d'abord, enfin, c'est un exercice qu'il fait une première fois en disant, en gros, l'Europe accueillante au maximum, hein, on va dire une Europe vraiment humanitaire du bienvenu. Et ensuite de réitérer le même exercice avec le même groupe de migrants et migrantes, avec un discours plutôt de la fermeture des frontières et pourquoi est-ce qu'on veut pas qu'ils viennent, pas parce qu'on les aime pas, mais parce qu'il y a plus de place, enfin la barque est pleine, ce genre de choses. Où là, du coup, on joue sur une écriture tout à fait nouvelle, à mes yeux. Et quoi qu'il en soit, je pense que c'est surtout dans l'association du documentaire et de la fiction, et dans la porosité entre ces deux genres, que l'on peut peut-être proposer quelque chose de réellement nouveau. Avec le risque, en étant sur le fil, d'être à la lisière de l'obscénité, parce que vous avez quand même d'un côté... il peut y avoir des gens qui sont complètement en train de souffrir de telle ou telle situation. Et puis, ils ont en face d'eux quelqu'un qui fait l'acteur, qui joue donc la comédie, quelle que soit sa part d'empathie ou d'implication, il n'est jamais qu'acteur et non pas acteur de... Voilà, alors ça c'est un équilibre dont vous avez vu déjà des réussites, c'est un équilibre difficile à trouver. Oui, alors sous les plus grandes réussites que j'ai vues, notamment dans ce film, c'était que ces questionnements étaient également intégrés dans le récit. C'est-à-dire que ça a terminé par une très belle scène où l'acteur était à l'extérieur de l'endroit où ils ont tourné les scènes. Et en fait, il partageait une cigarette avec les personnes, les migrantes et les migrantes. Et où justement, il évoque son propre malaise face à l'exercice qu'il vient d'exécuter et d'entendre leur réaction à elle. Mais comme dans une espèce de, en fait, un coda, un peu à la toute fin du film. C'est assez fin, on n'en fait pas le centre non plus, mais ça permet vraiment d'ouvrir la discussion. C'est-à-dire comme ça, on n'est pas seulement en train de dire « Ouh, du coup, je réagis de manière extrêmement frileuse ou violente ou hostile face à cet exercice un peu obscène, comme vous le dites. » Le public, James, a-t-il changé? Et est-il constamment en train de changer? Ou bien, bah, comme tout public, il s'affiche et s'affirme édition après édition par sa multiple diversité? Je pense qu'il change progressivement et en fait, notamment grâce à nos programmes dans les communes genevoises et les programmes avec les personnes migrantes, tous les programmes de cohésion sociale en fait. Parce que c'est vrai que au centre du festival, ici au Grutli ou à la maison communale de Plainpalais, c'est vrai qu'on va retrouver une démographie assez homogène. Homogène et puis aussi, c'est vrai, parfois de personnes qui sont un peu déjà convaincues avant de s'y rendre. Alors que, quand on amène ça dans les communes, et donc en partenariat avec les communes qui font eux-mêmes aussi leur propre promotion, donc on, du coup c'est plus seulement notre public qui vient, mais aussi un public de personnes qui se rendent aux événements qui sont organisés par des communes, et là on retrouve vraiment d'autres types de personnes. Après ça reste, on a des personnes âgées, on a beaucoup de jeunes, ça on le retrouve partout. Quels sont ceux, à votre connaissance, qui ne viennent toujours pas? Je pense que les personnes qui s'identifient politiquement plutôt avec à l'extrême droite du spectre, je pense qu'on va continuer à avoir de la peine à ou que les plus curieux alors. Voilà. Parce que si on prend la question du spectre politique, parce que c'est un festival qui est perçu comme un festival politique, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est un média en fait concrètement. Perçu comme étant un peu de gauche, mais en fait la réalité est que c'est quelque chose qui fait, en tout cas la valeur du FFDH fait assez consensus assez largement sur le spectre politique, en dehors justement je dirais de l'extrême droite, et donc cela on va avoir de la peine. Alors il y a quand même, vous en conviendrez sans doute aussi, des nuances qui sont à apporter aujourd'hui, puisque une droite traditionnelle considère qu'elle est une parfaite avocate d'une certaine forme de tradition humaine, humaniste, là où la gauche peut, derrière une forme de bonne morale archi bien fondée et plus du tout réévaluée, plusieurs fois duper son public. Ces gens-là ont-ils de la place dans le festival, dans le FIFDH? Y a-t-il des débats qui sont en lien avec les thématiques de la droite, pour le dire d'une manière extrêmement générale, ou bien a-t-on affaire aux thématiques de gauche, pour faire la chose de manière un peu manichéenne dans la question? Ça dépend, parce que par exemple, c'est vrai que cette année, notamment comme un de nos grands axes, c'est celui de l'urgence climatique, c'est vrai que dans la mesure où c'est la reconnaissance de l'urgence climatique s'est faite très tardivement à droite... Elle n'est même pas tout à fait même pas tout, oui, c'est ça. Donc du coup, là on est un peu coincé. Mais on se retrouve quand même à avoir typiquement cette année, on va avoir ces discussions sur économie et urgence climatique, c'est-à-dire que est-ce que l'urgence climatique implique de devoir réévaluer notre modèle économique ou pas? Ou alors est-ce que on peut conserver un modèle économique actuel, capitaliste néolibéral, en invitant les grandes entreprises à être les moteurs du changement? Et donc là, pour moi, il y a un espace pour typiquement une réflexion complètement de droite. Nous vous rappelons que le FIFDH édition 2020 a été annulé pour cause de Covid-19. Il présentera cependant un programme actualisé comprenant 27 débats et entretiens avec des intervenantes et intervenants de premier plan et transmis en direct sur Internet. Rendez-vous sur le site du festival pour prendre connaissance des dernières informations. Histoire vivante, cette semaine, le FIFDH. Préparer, accueillir et faire connaître, artisans et organisateurs. Bonjour, je suis Yasmine Basic, ou Bašić, pour ceux qui connaissent les langues slaves. Et je suis programmatrice de la section consacrée aux fictions. Voilà, cela semble à toujours un air très sympathique, voire fascinant, parce qu'on se dit, ah, c'est fantastique, vous regardez beaucoup de films, vous choisissez des films, et puis c'est fait. Attendez, je vais vous le faire. Oh, c'est fantastique, vous passez votre temps à regarder énormément de films, quelle chance vous avez. Je peux pas dire non, c'est vrai, je regarde beaucoup de films. Ça se fait pas popcorn à la main, et puis confortablement assise comme ça devant mon poste télévision. Bon. C'est autrement, c'est passionnant, ça c'est clair, mais c'est un travail un peu une sorte de fouille de l'audiovisuel, si on veut dire comme ça. Oui, c'est quelque chose qui pourrait se rapprocher à ça, et ça demande un peu d'avoir les yeux, les oreilles aussi ouvertes, le nez pour le flair quand même, un peu tout le long de l'année. Fiction et droits humains. On s'attend peut-être d'une manière un peu spontanée, automatique, à voir des histoires autour de sujets, surtout. Où le sujet, le thème... Film à thèse. Le film à thèse, voilà, va être l'objet principal, va être la chose principale. Accessoirement, il y a des acteurs... Voilà, etc. Mais ça va être un film sur le génocide, un film sur l'handicap. Voilà, alors moi, j'aime pas trop cela. Je pense qu'on peut vraiment faire mieux. C'est une petite ambition qui est tout à fait à la portée de main et de la mienne et aussi de mes collègues ou du public. Et là, vraiment, le festival y tient beaucoup. Donc, avec les films de fiction, on veut offrir une expérience, une proposition en tout cas, qui puisse aller au-delà. Donc, une proposition de cinéma. Et du coup, souvent, ce qu'on recherche, ce qu'on défend, ce sont des films qui sont pas d'emblée, ah voilà, les solutions faciles. Des fois, ça peut être des liens qui sont plus métaphoriques, par exemple. Des fois, les droits humains vont être amenés par le récit de manière peut-être moins attendue. Donc voilà, c'est ça aussi un peu mon travail. Donc, c'est pas uniquement chercher des films, mais arriver à offrir un peu des propositions différentes, mais à la fois qu'on puisse défendre du début à la fin. Est-ce que l'éditeur du dictionnaire qui pose la définition des droits humains vous apparaît toujours et encore essentiellement occidental ? Je dirais en bonne partie. Comment élargir le spectre ? Comment élargir ? Mais ça, c'est une question qui est centrale à mon travail, comme à celui de mes collègues, comme à celui du public, des publics, en fait. Comment c'est ça qu'il faut se poser ? C'est pour ça que vous passez par des chemins, si j'ose dire, un peu détournés, que vous essayez d'élargir, oui, d'écarter le rideau ? Oui, parce que je trouve que c'est nécessaire, c'est sain, parce que ça fait bouger. Voilà, aussi des questionnements qui deviennent un peu des automatismes, et en fait, ça remet un peu tout en cause. Et puis, oui, la place d'où émane la voix ou les voix, c'est clairement à questionner. Et c'est à élargir, en effet, oui, ça reste plutôt occidental, plutôt blanc aussi, certainement. Je n'ai pas sa compétence, mais je pense à, en vous entendant, à l'astrophysicien Étienne Klein, qui vient souvent à parler de son travail d'astrophysicien et évoque notamment ces objets qui relèvent de l'invisible, soit par leur éloignement, soit par leur taille, minuscule ou majuscule. Vous est-il arrivé, dans le cadre du festival, de faire venir justement le point de vue d'un scientifique comme un astrophysicien, qui pourrait parler de ces objets qu'il observe et qu'il essaye de définir, mais parce qu'ils sont trop loin, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop vastes, il ne fait qu'émettre des hypothèses, ce que j'ose mettre un peu, évidemment avec pas mal de précautions, en parallèle avec ce thème des droits humains. J'aime bien, en fait, non seulement imaginer, mais j'aime bien savoir que dans le type de questionnement, objet, discussion, film, personnes qui prennent partie, voilà, un événement comme celui du FIFDH, qu'il y ait des microcosmes et des macrocosmes, qu'il y ait une vision de proximité et une plus lointaine. Et j'aime bien l'idée qu'à un moment donné, il y aura des connexions qui vont se faire. Je me demande si l'intelligence n'a pas beaucoup de rapport avec ça, interlié, vous voulez dire? Ben, il y a quelque chose, il y a l'intelligence, il y a l'intuition, il y a quelque chose qui peut être plus instinctif. Et encore une fois, je veux bien accepter une temporalité différée, parce que oui, des fois... Vous faites un geste d'éclatement, dilaté. Oui, plutôt d'extension. Ouais, d'extension. Oui. Une extension, des fois ça nous prend longtemps à l'être humain pour comprendre, pour voir des choses qui sont très logiques, pour voir des choses qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on pense. Oula, oui. D'où le fait que la fiction, j'aime, je pense aussi par rapport à ça. Des fois, d'ailleurs on me le dit, des spectateurs me disent « Oui, alors c'est un magnifique film, mais vous voyez, par rapport au documentaire, là... C'est là le documentaire, on voit tout de suite, je sais pas, la souffrance, on voit tout de suite la violence. Il y a un effet immédiat, et c'est là. Et alors oui, la fiction, c'est par le truchement du récit, encore une fois, de formes autres qui peuvent. On sait très bien que le comédien ne saigne pas et qu'il ne meurt pas. Voilà, exactement. Il se relève probablement à la fin de la prise. Mais là aussi, on y arrive à un raisonnement, on peut y arriver, et j'aime bien que cette proposition existe aussi. Il le faut. Il faut qu'il y ait cette cohabitation du très proche et du moins proche, mais en même temps, c'est tout dans la même constellation. Yasmine, je ne sais pas si ça vous est arrivé, je veux dire de vous planter. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie. Est-ce que ça vous est arrivé dans cet exercice-là? Qu'est-ce que vous pouviez imaginer qui aurait été, selon vous en tout cas, comme proposition, un grand succès et qui a été un formidable bide? Et puis évidemment, après les mauvaises nouvelles, la bonne. Qu'est-ce qui a été une très grande surprise? Quelque chose que vous avez amené en n'étant pas trop sûr de vous, en disant peut-être bien, mais... Et puis finalement, les planètes étaient alignées. Oui, ça c'est tout le temps, hein, c'est récurrent, hein, ces déceptions, ces choses. Bah oui, parce qu'on ne sait pas tout. Et puis, surtout les films, c'est difficile. Les films ou les œuvres d'art, la réception du public, quand je parle de notre public, ce n'est pas le mien quand même. Je veux dire, il est composé, il est variable, il change aussi. Donc, on ne sait jamais comment ça va se passer. Ce par quoi j'étais peut-être plus déçue, c'était pas tellement les films, mais des fois des personnes qui, par leur activité, donnent à voir ou peuvent faire croire à un fort engagement. Engagement dans la société, dans la vie, dans l'art, etc. Et en fait, c'était moins le cas en réalité. Vice-versa aussi, peut-être des personnes, et là peut-être un peu plus des films par lesquels, et là où vraiment... La chose devient belle, c'est quand on voit un public vraiment ému, ou vraiment touché, ou vraiment exalté, ou en tout cas impliqué. Là, c'est vraiment de dire, mais voilà, oui, l'art, la culture, souvent on dit, oui, mais la culture, c'est un luxe, la culture, c'est quelque chose, on n'en a pas besoin quand il y a bien d'autres problèmes. Ben là, je me dis, écoute, non, ça fait quelque chose, bien sûr, ça, c'est raison d'être. Yasmine, on imagine que dans votre programmation, vous n'allez pas chercher les blockbusters parce qu'eux, ils ont suffisamment de salles pour être diffusées. Au contraire, des perles un peu plus rares. Mais ceux-ci, les films en question, ont souvent un certain nombre de désavantages et notamment liés au sous-titrage. Donc, est-ce que ça veut dire que ça fabrique un écrémage et que ces films-là, on ne pourra pas les voir si on ne parle pas la langue? Ou au contraire, vous faites un travail qui permet justement à ces films qui n'auraient pas pu être visibles et le deviennent grâce à votre baguette magique? Bien sûr, on m'a déniché des films, que ce soit au Bangladesh, dans, je sais pas, Namibie, etc., etc. C'est nous qui fournissons les sous-titres, on fait ce travail-là, bien sûr. Ce serait trop pénalisant et ce serait absurde d'appliquer une sorte de censure à la fois économique et de moyens et de pratiques. On va assurer toujours, en fait, dans les films, s'ils ne sont pas anglophones ou francophones, un double sous-titrage en français, tout d'abord pour le public ici, et anglais aussi pour un public ou des invités non francophones. Après James Barclay Lewis et Jasmine Basic, demain deux nouvelles rencontres pour évoquer le FIFDH malgré l'annulation de l'édition 2020. Nous serons donc en compagnie de Célia Burnand et Laura Longobardi.